Cali Brossel, c'est moi. Nous représentons, nous relèvons cette cita. Et le petit star de Clara et Miami. Ok. Sauvage, je suis avec le micro, j'agis putain de l'égro. On dirait de la magie, je vois vos têtes qui s'agit trop. Comme il s'agit de Joe, j'entends un créole. Si c'est un burst ghetto, gadi gadjo, ça va être chaud. Sur le beat, moi je pose ma beat, je mets la trique comme sur un beat. Être le best, c'est ce qui habite dans ma tête depuis tout petit. Avoir des beats de le compris, ouais, c'est ce qu'on kiffe. Des beats qui sucent comme des sucettes, ouais, ça c'est le kiff des enfants qu'on baise dans le vrai sans qu'elle prenne la tête. Aux toilettes, il baisse la braguette, il prend l'aide, c'est la fête. Si elle prend la tête, elle finira dans une banquette. Et la famille en test, quand j'y tranche la tête. C'est le fameux K16 dans un 16-16 sur le son. Faut d'imagination en action, l'esprit dans calçon. Écoute, j'ai trop d'imagination. Vas-y, parce qu'elle t'auront signé un coup de fond. J'arrive, j'en gère, expose du lourd, négro et gros, venez m'écouter. J'suis revenu exposé, explosé. Ma bouche est un canon et mes lyrics sont découlés comme la tête envers les deux tours. J'en blessé, j'attaquerai au tour. Les termes pour que d'ici y'a pas de sortie de secours. Cali procède, signe le retour. J'débarque comme d'hab, tous les sous des sous. Un risque fou, j'vois fou, ce m'avait des soucis. Les ennemis me sourisent comme des vulgaires sous-sous. J'me suis démarqué, psa-tech, psa-marqué, c'est tout. Rap pour les jaloux, allez tous à vos genoux. En moto, j'envoie des camés à la Sangoku. La confiance a ramé, c'est barré de là. Ici, c'est Bagdad, y'a des gabats, c'est pas quoi. Les mains s'inquiètent devant partir, non pour le salaire, mais pour le faire de l'argent. 5 ans, le chétan vaut mieux là que ça va très mal. Elle rêve le soir, je rapporte ta bac. Mais c'est une blague le lendemain, à la porte, c'est la bague qui toque. Appelle-moi Cali Process ou K16, un flow, une colère qui vient d'ailleurs. Appelle-moi tes petits gosses, soi-disant rappeurs. Je lâcherai un punchline et la partie quand je te dis je vois. J'arrive, j'en gère, expose du lourd, négro et gros, venez m'écouter. J'suis revenu exposé, explosé. Ma bouche est un canon et mes lyrics sont découlés comme la tête dans les deux tours. J'en blessé, j'en sens crier au secours. Des fermes et bouclés d'ici y'a pas tant de secours. Cali Process, c'est le retour. Le retour tient pas le poignet, mais force la porte. Poignée d'il me revoilà et sans force. Qu'est-ce que tu croyais, sale enfoiré, ne me sait Tita Ishilida, oh, niquez ma pesa. Sinon, Jurema, Margame, touché, triché. On est premier, une personne sous Venza. D'une galère t'entends sortir, Taina Wana. Matessao, Anao, Cali Process, on joue ta vie en jeu. Crac à genoux, Al, je veux vos sous. Pour ceux qui ont la foi, oh, sortez vos croix. Car ma bite réclame le j'attends. Pétasse-moi, le général au garde à vous. Faites gaffe, ceci s'adresse à vous. Vous pouvez déposer à la tête, 0639 pour les femmes seules, non, je plaisantais. J'arrive, j'en gère, faut du lourd, négro et gros, venez m'écouter. J'suis revenu exploser, exploser. Ma bouche est un canon et mes lyrics sont écoulés comme la tête vers les deux tours. J'en blessé, j'en pas crié au secours. J'ai fermé pour que d'ici y'a pas de sortie de secours. Cali Process, c'est le retour. Ha ha, le retour fait mal, oui mon pote. Vas-y, représente là où je viens, négro. Vas-y, répète avec moi, ok. Hero, hero, hero, hero. Vas-y, représente Cali Process. Voilà la rafale mon pote, Vivac City, représenté par papa, Cali Process. J'arrive, j'vais en gérer, j'pose du lourd, négro et gros. Venez m'écouter, j'suis revenu exposé, posé. Ma bouche est un canon et mes lyrics sont défoulés. J'arrive, j'en gère, j'pose du lourd, négro et gros. Venez m'écouter, j'suis revenu exposé, explosé. Ma bouche est un canon et mes lyrics sont défoulés. Comme la tête, envers les deux tours. J'en blessé, j'en sens crier au secours. J'ai fermé vos gueules, ici y'a pas de sortie de secours. Cali Process, c'est le retour.